de nostalgie et mon stylo est antalgique. Au début l'histoire est belle, mais avec le temps elle s'entache vite. J'ai marché sur bien des routes et j'ai croisé pas mal de gens. J'ai squatté pas mal de bancs, souvent seul pour être franc. Moi, j'écrivais mes textes, mais à l'école j'étais un cancre. Or le soir après les cours, des livres s'invitaient dans ma chambre. J'étais de ceux qui pensaient réfléchissaient pour le son et j'étais anti ego trip qui négligeait le fond. Mais ma vision a bien changé, j'ai élargi le spectre. Je me place en esthète pour cet art que je respecte. D'ailleurs beaucoup d'entre nous ont fait plus d'un sacrifice pour à la fin s'apercevoir que l'écriture est un sacrifice. Love, peace, unity and having fun. À force de s'enfermer, on va finir par vivre seul. Les initiés vous diront que cette passion est une cellule. Sache que le rap indépendant c'est beaucoup de rêves et peu de thunes. Mon cahier intime que je dévoile sur quelques lignes, un bout de mon existence qui se résume en quelques rimes. Juste un passage de mon vécu et de mon histoire. Un cahier plein de ratures, poussière au fond d'un tiroir. C'est mon cahier intime que je dévoile sur quelques lignes, un bout de mon existence qui se résume en quelques rimes. Juste un passage de mon vécu et de mon histoire. Un cahier plein de ratures, poussière au fond d'un tiroir. J'opère en foule les marathoniens de la gribouille. Galérien dans la grisaille en alternance, fais son taf mais rien que ça douille. J'aurais pu choisir en option 2, grossiste ou blanchisseur. Au pressing, oppressé par quoi des heures de l'occident sa tournure. J'ai choisi le crayon, la créa pas la récré. Ce que je vis H24, un tas de pas, des rétros de confort, pas d'RTT. Je manque de temps, les graves besoin de repos, de l'esprit. Quand la rancœur fait son casse-pélier dans un cœur qui s'est endurci. À quoi cela mène, vouloir tout perdre soi-même. Faire un slam en réus, qu'ils aiment voir le rapport et à qu'on se la mette sans réor. Dévisser lanterne et MC obscurci. Perdre la mission de mettre carton rouge sur les futurs messies. Réalise, comme un résistant nona génère la suite. Les racistes et les élites du flic au second tour en fuite. J'fais ma partie de leur top du rap, genre papa you pour me dire en net. C'est maintenant que dans nos crânes faire la connexion de nous. Habilité à faire du billet autre que sur le podium. J'rêve de créer des petits bonhommes dans la faire péter le microphone. À toutes les poufas s'agit qui viennent péter ma porte sous le prétexte qu'ils ne font pas de social. Je leur souhaite ce beat dans la cote. Habilité à faire du billet autre que sur le podium. J'rêve de créer des petits bonhommes dans la faire péter le microphone. À toutes les poufas s'agit qui viennent péter ma porte sous le prétexte qu'ils ne font pas de social. Je leur souhaite ce beat dans la cote. On y est presque, Théma. J'te rappe mon 16 sur ce même schéma. Lève tes mains. Envoie-moi l'instru pour que j'y prenne mes marques. 2001, tu découvres un MC qui à peine démarre. Maintenant je prends le mic pour Ben Placo, c'est Axel Mena. J'officie bientôt depuis de septennats. J'ai été largué, j'ai parfois traîné avec des nazes. J'étais mal, c'est pour ça que je parlais mal avec mes mots. La fuite du temps comme seul thème depuis ma plus vieille démo. Ouais, j'étais marqué par la vie, laisse-les marcher sur mes plates-bandes. Ceux qui conspirent et qui se paient ma tête, j'les nargue. Fils de tout bip, j'suis parti peut-être vénard. On peut le dire, mais le problème c'est que le daron n'est pas heureux. Et là j'pèse mes mots. La vie d'artiste m'a appris à ne pas être vénal, à être tolérant, à voir venir l'avenir en tentant d'être peinard. J'fais le malin, mais j'vais arrêter là. Dédicace à Jay, j'donnerai n'importe quoi pour changer le scénar. Mais je lutte, malgré mon esprit qui me joue des tours. Recherche quelques accords pour parfaire mon parcours. Même égaré dans un brouillard opaque, il faut transformer sa rage en force pour franchir les obstacles. Je lutte, malgré mon esprit qui me joue des tours. Recherche quelques accords pour parfaire mon parcours. Même égaré dans un brouillard opaque, il faut transformer sa rage en force pour franchir les obstacles. C'est ma cahier intime que je dévoile sur quelques lignes, un bout de mon existence qui se résume en quelques rimes. Juste un passage de mon vécu et de mon histoire. Un cahier plein de ratures, poussière au fond d'un tiroir. C'est mon cahier intime que je dévoile sur quelques lignes, un bout de mon existence qui se résume en quelques rimes. Juste un passage de mon vécu et de mon histoire. Un cahier plein de ratures, poussière au fond d'un tiroir. Habilité à faire du billet autre que sur le podium. J'rêve de créer des petits bonhommes dans la faire péter le microphone. À toutes les poufas s'agit qui viennent péter ma porte sous le prétexte qu'ils ne font pas de social. Je leur souhaite ce beat dans la cote. Habilité à faire du billet autre que sur le podium. J'rêve de créer des petits bonhommes dans la faire péter le microphone. À toutes les poufas s'agit qui viennent péter ma porte sous le prétexte qu'ils ne font pas de social. Je leur souhaite ce beat dans la cote.